Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 55. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 3 décembre 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es petit avec de grandes oreilles, tu es carrosse qui redevient citrouille, tu es Marne-la-Vallée, tu es l'empire des produits dérivés, tu es le livre de la jungle et tu es aussi... Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi c'est Odile. Plutôt c'est l'ami Mickey. Ah non, plutôt c'est le chien de Mickey. L'ami Mickey c'est Dingo. Oh. Oui, tu l'auras compris l'ami. Ce matin tu es Walt Disney, au pays de ses propres merveilles. Dans quelques jours, Mickey et toute sa troupe vont commémorer les 40 ans de la mort de Walt Disney. Mais peut-on considérer pour autant qu'il a disparu celui-là ? Que nenni ! Des parcs d'attractions dans le monde entier, une exposition au Grand Palais à Paris, plusieurs films en production, bref, à l'heure où l'empire de Walt Disney se porte très bien, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, d'essayer de découvrir qui se cache réellement derrière Cendrillon, Aladdin ou Pinocchio. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle du monde merveilleux de Walt Disney. Pour commencer, de la naissance de Mickey à l'ouverture du parc Euro Disney, il faut retracer l'histoire de cette saga à la sauce américaine. Ensuite, nous te révélerons ce que sont devenus aujourd'hui quelques-uns des plus grands héros de l'univers de Walt Disney. On enchaînera justement sur une petite surprise de Benoît Poulvorde qui viendra nous raconter l'enterrement de l'un d'entre eux. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons comment Disney s'est immiscé cette semaine dans le quotidien des candidats à la prochaine élection présidentielle. Curieuse affaire. Et enfin, te raconter cette journée mémorable qu'ont vécu Monique et Jean-Claude hier à Euro Disney. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et Mickey parade. Don't cry. Boys Don't Cry, les garçons ne pleurent pas, c'est ce qu'affirme en 1980 le groupe britannique The Cure. C'est aussi le conseil du lapin Pampan à son ami Bambi quand sa maman se fit tuer par les méchants chasseurs. Et c'est enfin ce qu'aurait dit Blanche-Neige au prince charmant quand elle lui avoua qu'elle se tapait les sept nains. Alors, cette semaine, la panique au Mangin Palace a donc décidé de consacrer une émission à Walt Disney. Parce qu'il y a 40 ans, en décembre 1966, donc, sur France Inter, tu pouvais entendre ça. Vous avez appris hier la mort de Walt Disney. Et ce matin, les journaux du monde entier, comme les journaux français d'ailleurs, annoncent très souvent avec de gros titres la mort de celui qu'on a appelé l'enchanteur du cinéma, de celui qu'on a appelé le magicien, et qui était en fait le roi du dessin animé. Le père de Mickey Mouse, de Blanche-Neige, de Donald le Canard, de Pinocchio et de bien d'autres personnages est donc mort hier en Californie. Il était âgé de 65 ans. Les obsèques de Walt Disney auront lieu selon son désir, dans la plus stricte intimité. Le grand artiste a demandé en effet dans son testament à être enterré sans apparat, sans fleurs. Il a demandé en revanche qu'on fasse des donations pour l'Institut californien des arts créé par lui à l'intention des artistes pauvres. Où es-tu, Walt Disney ? Mickey te cherche enfin, avec Donald, Pluto et Blanche-Neige. Tu fils immortel, le crayon à la main. Ainsi, en 1966, Walt cessa de dessiner ces dizaines de personnages qu'il avait inventés pour le plus grand bonheur des plus petits, mais aussi des plus grands. Walt Disney est né à Chicago en 1901. Et se lance dès les années 20 dans le cinéma d'animation. Après quelques essais dans le film publicitaire, Walt Disney décide de s'associer à un autre jeune dessinateur, Ubi Werks, pour produire ensemble des courts-métrages animés. Les débuts sont modestes jusqu'à ce que Disney et Werks créent en 1927 le personnage d'Oswald, le lapin. Mais alors que le succès s'annonce, très vite, c'est la désillusion. Printemps 1928, Walt Disney et Ubi Werks sont accablés. Un producteur sans scrupules s'est approprié leur première créature, Oswald le lapin. Enragé, il cherche alors un autre personnage. Ubi Werks trouve en une nuit les contours de celui qui allait devenir une des icônes du XXe siècle. Walt Disney prête sa voix à l'intrépide et généreux Mickey Mouse. 18 novembre 1928, projection à New York de Steamboat Willie, le premier dessin animé avec son synchronisé. Le monde découvre Mickey et l'adopte aussitôt. Avec le personnage de Mickey, créé en 1928, Walt Disney connaît rapidement le succès. Il en va de même avec les Silly Symphonies, des courts-métrages diffusés au cinéma en complément des grosses productions d'Hollywood. Mais Walt Disney poursuit une idée de génie. Il est persuadé que le public est prêt pour accueillir des longs-métrages d'animation. Ainsi, en 1937, naissent Blanche-Neige et les Sept Nains. Le pari est risqué, mais le succès est au rendez-vous. Ce dessin animé, c'est le film le plus rentable de l'année 1938. Ainsi, en pleine dépression économique mondiale, comment ça va pour vous, Monsieur Disney ? Ma petite entreprise, que n'est pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement. Et effectivement, les studios Walt Disney ne connaissent pas la crise. Les années 40-50 sont la grande période des longs métrages de Disney qui font le bonheur des petits et des grands. Mais tous ces films comme Bambi, Pinocchio, Alice au Pays des Merveilles ne sont qu'une transposition de la littérature européenne à la sauce Disney, c'est-à-dire complètement édulcorée. Les années 50, c'est aussi la grande période où Walt Disney se fait remarquer dans la campagne anticommuniste menée par le paranoïaque McCarthy. Ainsi, quand des syndicalistes luttent pour de meilleures conditions de travail chez Disney, qu'est-ce qu'il fait, Walt ? Ça balance des rives, oh, ça balance des rives, terrible ce que ça balance, c'est pas pour dire, mais ça balance des rives, des rives, des rives.

La mauvaise réputation classique de la chanson française, interprétée par Tété sur un album de reprise intitulé « Putain de toi », en hommage bien sûr à Georges Brassens. Au passage, quel dommage que les studios Disney n'aient jamais adapté « Gare aux gorilles » au cinéma, mais sans doute ont-ils eu peur d'écorner leur jolie réputation. Alors, après avoir survolé l'histoire de la saga Disney, poursuivons maintenant à 11h20 notre joyeuse parade sur Main Street en nous intéressant quelques minutes aux différents destins des principaux héros de l'univers de Walt Disney. Oui, mon ami, que sont-ils devenus ? Certes, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà comment se terminent traditionnellement toutes les histoires que nous a racontées l'oncle Disney. Enfant, nous étions vivement rassurés de savoir que Blanche-Neige, incarnation de la pureté, allait échapper à la sorcière pour devenir l'épouse docile du prince charmant. Mais une fois adulte, ne peut-on pas se poser la question des mœurs qu'ont pu pratiquer sept nains libidineux sur une jeune pucelle vivant sous le même toit ? Franchement, qui peut encore croire aujourd'hui qu'à l'époque, le prince récupéra une première main ? Oh, faut être lucide deux minutes, merde. Pire, une fois que l'oncle Disney nous avait raconté sa belle histoire, nous étions les ravis de la crèche en imaginant l'existence merveilleuse et éternelle qui s'offrait aux héros désormais. Mais bon sang, quelqu'un s'est-il réellement demandé quel fut ensuite le destin de tous ces personnages ? Pas grand monde. Tiens, sais-tu par exemple que Riri, Fifi et Loulou sont devenus depuis quelques années des accros de la cocaïne ? C'est affreux. Ah, la vie est belle, frangin, je t'aime, je t'aime. Et toi, les Walt Disney, là, rien tu sens, toi ? Chut, regarde, comme c'est joli. Il y a Bambi qui fait dodo. Tiens, salut, Hatchoum. Salut. T'as vu, il y avait Hatchoum. Faut que j'aille voir mon frangin. J'ai été dur avec lui. Ouais. Il faut que je lui dise combien je l'aime. Attention, t'as failli écraser un aristochat. C'est ainsi qu'après avoir connu trop jeune les joies de la célébrité, Riri, Fifi et Loulou ont donc rencontré les déboires que connaissent les enfants stars, autrement dit l'alcool, la débauche et les drogues dures. C'est triste. Que dire ensuite du destin tragique qu'a dû affronter cette jeune héroïne qui fut choisie pour épouse, souviens-toi, par un tocard, tout ça parce que le pied de cette donzelle rentrait à la perfection dans une espadrille ? Eh bien là aussi, sa vie est aujourd'hui dramatique. Cendrillon pour ses 30 ans et là... Maman, le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheveu blanc, loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, en mitouflée dans son cafard. Jolie petite histoire, tu parles. Maintenant Cendrillon fait le trottoir. C'est à pleurer, monsieur Disney. Quel salaud ce prince charmant. J'espère au moins qu'il acceptera que Cendrillon voie ses enfants pour éviter ce que subit Bambi depuis 60 ans. Car même aujourd'hui, quand Bambi vient se détendre au festival de Cannes par exemple, il ne peut s'empêcher de penser à sa mère. Laurent Veil, vous êtes sur les marches, je crois, avec une très grande star, c'est ça ? Oui, Patrick, je suis en compagnie d'une star, une star américaine. Très bien ça, bon travail Laurent. Et c'est qui ? J'ai la chance d'être avec Bambi 2. Qui ça ? Bambi 2. Mais qu'est-ce que c'est ? Bonsoir Bambi 2. Alors Bambi 2, c'est votre première fois à Cannes, vous êtes heureux je suppose ? Oui, mais ma mère me manque, je la trouve pas. Bah, c'est normal, elle est morte dans Bambi 1. Apparemment, on lui avait pas dit. Patrick, je crois que... C'est surtout que c'est pas très intéressant, Laurent, d'avoir Bambi 2. On veut du comédien, nous. Ah, désolé, Patrick, mais c'est ce qui se fait de mieux ici. C'est un gros carton, c'est du lourd, là. Bambi 2, c'est 3 millions de spectateurs en France, 4 aux États-Unis, 75 millions de dollars au box-office américain et 800 000 DVD mis en place. Je sais pas ce qu'il vous faut. C'est très moyen, Laurent. Et voilà. Comme Bambi n'a jamais été suivi par un psychanalyste après la mort de sa mère, évidemment, il n'a jamais pu dépasser le deep. Résultat, il est toujours puceau. Ce qui n'est pas le cas d'Aladin, puisqu'il a épousé Jasmine dans l'espoir de devenir calife à la place du calife. Seulement voilà. Depuis, il s'est gravement embrouillé avec son beau-père, le maître de l'Orient. Et du coup, le pauvre Aladdin a dû lui aussi faire face à des situations difficiles. Ô commandeur des croyants, maître de l'Orient, écoute ma requête. Ne me fais pas couper le cou, ce serait inutile et bête. Je suis eunuque de métier, alors daigne considérer qu'un eunuque décapité, ça n'a vraiment ni queue ni tête. Eh oui, il devait devenir calife, Aladdin est aujourd'hui eunuque. Et bien que châtré, dernièrement donc, il a eu sacrément chaud au cou. Cela dit, attention, tous les personnages de Disney n'ont pas eu à subir de telles destinées aussi tragiques. Certains d'entre eux ont su rebondir et mettre à profit leurs histoires. C'est le cas d'Alice, par exemple, qui a fait fortune en jouant au poker et qui, depuis, s'est installée confortablement sous les tropiques. Alice glisse au pays des merveilles. Bravo, Francky. Je sens tes groseilles. Alice glisse au pays des merveilles. Bravo, Francky. C'est du savon de Marseille. C'est ça. Sacré Alice, va. Dans ta paire de Lévis, je lis le vice et je pense à Carole Lewis. Aurait dit de toi Serge Gainsbourg, Alice. Mais que dire alors maintenant du destin de Mickey Mouse, le plus célèbre des personnages de Disney? Eh bien, sans aucun doute, c'est celui qui poursuit le mieux sa route, sacré Mickey, va. Oui, je serai candidat à l'élection présidentielle. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie. C'est une décision qui m'engage. Je veux que les Français retrouvent confiance dans la parole politique et dans les hommes politiques. Je veux décliner ces deux valeurs que sont la confiance, confiance dans la parole donnée, et le respect. Élise, Lise, élisez-moi. Élise, Lise, et moi. Élise, Lise, élisez-moi. Mickey président ? Franchement, c'est pas sérieux. Mais bon, nous verrons bien. Et puis, pour finir, il faut maintenant prendre le temps du recueillement pour honorer la mémoire de Tarzan, personnage des studios Disney depuis 1999. Tarzan est sans doute celui qui a eu le moins de chance jusqu'à présent, puisqu'il est mort. Je vais laisser le soin à Monsieur Manhattan, alias Benoît Poulvorde, de nous raconter son enterrement. On découvre ça juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Un grand de ce monde vient de nous quitter tragiquement. Il était le symbole de la simplicité et de la bonté face à la rigueur du protocole. En ce jour de deuil, c'est toute une nation qui est venue lui rendre un dernier hommage. Monsieur Manhattan, vous qui l'avez bien connu, vous assistez en direct à la cérémonie. Tout à fait, Nicolas. Une cérémonie digne, en effet, représentative, je crois, de l'amour et de l'affection que lui portaient les petites gens. Tarzan, celui que déjà on appelle le macaque au grand cœur, a tenu à se faire enterrer ici, à Upigny, son village natal, sous la frondaison des châtaigniers séculaires, où il aimait à batifoler et à sauter de liane en liane avec Jane, sa compagne de toujours. Oui, le chagrin est immense, vous vous en doutez, dans le cœur de tous. Monsieur, vous aimiez Tarzan ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut se mettre aussi à une place, monsieur Manhattan. Il faut se mettre à votre place, mais vous connaissiez le cri de Tarzan, vous aimiez ? Oli, oli, oli. Tout ça pourquoi ? Pour du schnaps ? Tout ça pourquoi ? Pour du schnaps. C'est un Tarzan fatigué et meurtri qui m'accorda voici un an une interview exclusive qui fit le tour du monde. Est-ce que l'homme singe est alcoolique ? On y apprenait avec consternation ses problèmes de schnapps. Combien boit l'homme singe ? 6-7 schnapps. Eh oui, il pique les raides, le babouin. But what did you do ? What did you say ? Or did you walk or did you run away ? Where are you now ? Where have you been? Did you go alone or did you bring a friend? I need to know this, cause I noticed you're smiling out of the sun, having fun and feeling free. And I can tell. Overnight, or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong? Or all the above? Oh, how I love to see you smiling. And oh yeah, take a little pain just in case. You need something warm to embrace to help you put on a smile. Something that you could smile about. Say for instance, my girlfriend, she bugs me all the time. But the irony of it all is that she loves me all the time. Oh, see. Smiley Faces, c'est ce que te propose le duo britannique Niels Barclay. Tronche souriante, c'est le mot d'ordre imposé par la direction d'Euro Disney à tous ses employés. Parce que si tu fais la gueule chez Mickey, c'est très simple, t'es viré. Alors maintenant, à 11h31, la panique au Mangin Palace va te révéler combien l'esprit de Walt Disney s'est immiscé cette semaine dans notre univers politique. La course à l'échalote présidentielle s'est accélérée depuis quelques jours. Eh bien, figure-toi que nous avons constaté qu'il est envisageable de relire les événements politiques de ces derniers jours à la lumière des histoires de l'oncle Disney. Tout a commencé dimanche dernier. À l'heure du déjeuner, le Parti socialiste et des centaines de militants se sont réunis à la Mutualité à Paris afin d'introniser officiellement Cendrillon comme leur candidate à la prochaine élection présidentielle. Ségolène, qui possède donc le pied requis pour l'escarpin socialiste, est alors montée à la tribune pour prononcer un discours de rassemblement autour de sa personne. Pour qui sait lire entre les lignes, ce discours était essentiellement adressé aux vieux éléphants du parti, et notamment à Laurent, Dominique et Lionel qui, lui, étaient absents. Quoi qu'il en soit, le message de Ségolène pour ces trois-là était très clair dimanche dernier. C'est la bouche à l'envers que Fabius et Strauss-Kahn, eux, ont écouté ce discours de Cendrillon. Castor Junior, merci. Mais Lionel, lui, il s'en fout. Ségolène, il la soutient du bout des lèvres et pour l'instant, il est tranquille, pépère. D'ailleurs, quand lundi matin, François Hollande, très anxieux en ce moment, est venu le voir, Lionel lui a dit « Mais calme-toi, Winnie l'ourson, et fais comme moi !» Cherche le mini-minimum, le mini-mini-minimum. Oublie tes ennuis, oublie tes tracas. Avec un mini-minimum, on nourrit un ours et un homme. Et le reste, après tout, ne compte pas. Il y en a qui cherchent des mondes inouïs. Oui, mais moi, je n'aime que celui-ci. S'il y a des abeilles plein le ciel, c'est pour s'occuper de mon miel et l'herbe tendresse si généreuse qu'elle vient me tendre des fourmis gracieuses pour mon petit déjeuner. À gauche donc, pour l'instant, c'est Cendrillon qui tient la corde. Mais cette semaine, c'est surtout à droite que les choses ont bougé. Jaffar s'est enfin déclaré officiellement candidat à la présidence de la République. Il ne devait le faire que jeudi, seulement voilà, il y a eu une fuite soi-disant. Du coup, tout le monde l'a su dès mercredi, jour de l'anniversaire du roi Lion. Tu cherches la guerre. Calme-toi, calme-toi. Il ne peut pas y avoir de guerre entre nous. Parce que si ma subtile intelligence se taille la part du lion sur le plan de la force physique, j'ai bien peur que la génétique n'ait pas joué en ma faveur. Conscient de son handicap au sein de sa propre famille, Jaffar a donc choisi d'aller exposer son programme dès jeudi soir à la télévision. C'est ainsi qu'après le journal de 20h sur France 2, enfin le journal de Mickey quoi, Nicolas Sarkozy est allé chez Blanche-Neige, enfin Arlette Chabot quoi, pour une émission qui a duré 3 heures et pour celles et ceux qui l'ont vu, là aussi, durant 3 heures, le message fut très clair. Aie confiance, crois en moi, que je puisse. Veillez sur toi. Attention, va descendre. Fais un somme sans méfiance. Je suis là. Aie confiance. Ça foutait la trouille, hein. Donc, après cette séance hypnotique, le lendemain, Nicolas est allé sonder ses lieutenants sur sa prestation télévisuelle. Il était inquiet car les audiences n'ont pas été faramineuses, dis donc. Loin de là. Mais Patrick Devedjian, euphorique, lui a renouvelé toute sa fidélité et lui a redonné confiance. Maître, je ne pense pas que tu aies vraiment pigé ce que j'ai à t'offrir. Alors pose-toi là, continue à ruminer et laisse le génie de la lampe éclairer ta lanterne. Si Alibaba a 40 voleurs, Sherazade 1000 histoires de cœur. Ton maître, tu es encore bien plus fort, car tu possèdes un truc qui vaut de l'or. Tu as le pouvoir, enfile tes gants, allume la mèche et tu seras gagnant. Ça va faire boum, en feu. Ce qui te chante, tu peux l'avoir en frottant cette lampe. Et je dis, maître Aladdin, très cher, je vous offre aujourd'hui un dessert du tonnerre, un éclair, car je suis votre meilleur ami. Alors, même si Nicolas a dû faire remarquer au bon génie qu'il n'était pas Aladdin, mais bel et bien Jaffar, bordel, il n'en demeure pas moins que les paroles de Devedjian lui ont fait le plus grand bien. Enfin, jusqu'à ce que Nicolas croise Merlin l'Enchanteur vendredi soir, à qui il a demandé ce qu'il avait pensé de sa prestation télévisuelle. Ce à quoi Dominique de Villepin, donc, lui a répondu qu'en gros, il l'avait trouvé... Petit avec des grandes oreilles, petit avec des grandes oreilles, dommage. Ne regarde pas comme ça, essaye d'oublier que tu es petit avec des grandes oreilles. J'ai beau y réfléchir, je ne sais pas pourquoi tu es petit avec des grandes oreilles. Quand je pense à ton père, quand je pense à ta mère, c'est vrai qu'en les imaginant sans leurs lunettes, ils sont petits avec des grandes oreilles, petit avec des grandes oreilles. Alors que Nicolas veut être Jaffar, voilà que Dominique le traite de Mickey, petit avec des grandes oreilles. Non mais oh. Cela dit, tout ce tintamarre autour de Jaffar depuis mercredi dernier a fait plonger dans les oubliettes, pour l'instant, l'éventuelle candidature à droite de Michel Alliot-Marie. Mam était donc désespérée hier après-midi, à tel point que la fée Bernadette est passée la voir chez elle et a trouvé Mam en pleurs. Je ne crois plus à rien. Oh, rien, ma chérie. Oh, allons, allons, tu ne penses pas ce que tu dis. Oh, mais si. Tu racontes des sottises. Si tu avais perdu tout espoir, je ne serais pas là. Et pourtant, regarde. Allez, sèche-moi vite ces grosses larmes. Il ne va pas aller au bal avec les yeux rouges. Bal ? Il n'y a plus de bal. Si, tu vas y aller. Mais dépêchons-nous, parce que même la magie, ça prend un certain temps. La magie ? Mm-hmm. Réfléchissons. Mm-hmm. Alors, numéro 1, il nous faut une belle grosse citrouille. Une citrouille ? Pourvu que je me souvienne de la formule magique. Salagadou, la menchikabou, la bibidi babidi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi bobidi bou. C'est donc en carrosse magique, une safrane quoi, que Mam s'est rendue hier soir au dîner très privé qu'a donné président Chirac pour son anniversaire, puisqu'il était en Lettonie mercredi soir. Et pour oublier l'annonce de la candidature de Jafar, histoire surtout de mettre du baume au cœur au clan chiracien, c'est au dessert que président Chirac s'est souvenu d'un jeu qu'il avait appris au Club Mickey, justement, quand il était môme. Du coup, grosse ambiance hier soir au château du Roi Lion. Je connais un petit jeu vraiment très amusant, auquel je jouais quand j'étais enfant. Ce jeu s'appelle tout simplement Jacques-a-dit. Il faut que vous y jouiez aussi. Jacques-a-dit, levez-vous. Vers 3h du matin, Jacques a dit « Foutez-moi la paix maintenant et faites-moi confiance ». Ah, perdu. Alors, pour finir, comment ne pas évoquer ici l'annonce officielle de la candidature de François Bayrou hier matin depuis une petite commune des Pyrénées-Atlantiques. Peter Pan nous a donc déclaré que s'il était élu, il nommerait au gouvernement une équipe pluraliste de démocrates venus de bords différents. Eh ben tiens. Là encore, François Bayrou s'est inspiré de l'esprit merveilleux de Walt Disney. Je nommerai, bien sûr, Mickey, premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simple et à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances. Zorro à la justice et Minnie à la danse. Est-ce que tu serais content? Si j'étais président. Franchement, nous ignorons tout de ce que nous allons vivre dans les prochains mois. Mais reconnais que si c'est l'esprit de Disney qui donne le tempo pendant la campagne présidentielle, c'est vraiment mal barré. Mais bon, on patiente et on va tenter d'espérer que d'authentiques discours politiques et républicains finissent par s'écrire pour éviter que le peuple ne se meure. Le président a déclaré la mort du peuple ce matin. Il a failli nous faire pleurer, il avait tellement de chagrin. Le premier ministre agacé nous a dit qu'il faudrait s'y faire. Il était tellement affolé qu'il a mis sa veste à l'envers. On est resté le cul par terre. Et puis on a regardé en l'air. Au-dessus des maisons, le soleil s'est rayon. Au-dessus des maisons, au-dessus des rayons, y a plus beaucoup d'attractions. Au-dessus des rayons, le président a convoqué tous les ministres ce matin, les a vivement encouragés à nous dire que tout allait bien. Il est venu à la télé, il a mis de l'eau dans son vin, nous a simplement remercié d'un petit geste de la main. On s'est senti paumé soudain. On venait de perdre un copain. C'était presque moins que rien. Alors on a regardé au loin. Le peuple est mort, annonce Mickey 3D sur son album intitulé Matador. Et il a bien raison, Mickey, parce que dans le monde merveilleux de Walt Disney, il n'y a pas de peuple, mais seulement des clients solvables. Alors pour poursuivre notre exploration foutraque de l'univers aseptisé de Disney, il est grand temps désormais à 11h44 de retrouver nos deux personnages animés de bonnes intentions, les formidables Monique et Jean-Claude. Vendredi dernier, Monique et Jean-Claude ont reçu les bulletins trimestriels de Rémi et d'Elsa, leur mioche. Ils étaient désastreux. Alors, comme ils n'ont pas lu Françoise Dolto, Monique et Jean-Claude ont confectionné une punition bien à eux. Ils sont partis hier matin à Euro Disney, laissant Rémi et Elsa chez leur mémé qui pue. Ça leur apprendra la vie. Petit con, va. C'est donc à 11h, après 2 heures d'embouteillage, que Monique et Jean-Claude entrent enfin dans le parc Disney. Monique est excitée comme une gamine et demande un autographe dès qu'elle voit un personnage Disney. Là, c'est Tic et Tac, là, c'est Minnie, et là... Dans ce jardin extraordinaire, Jean-Claude fait remarquer à Monique que ce n'est pas Guignol, mais un agent de sécurité et qu'en plus Guignol, il n'est pas au répertoire de Disney. Monique et Jean-Claude s'éloignent alors discrètement vers leur première attraction, Space Mountain, des montagnes russes dans le noir. Il y a déjà beaucoup de monde, Jean-Claude et Monique font donc la queue. Dans la file d'attente, Monique demande alors à Jean-Claude s'il n'a pas trop peur des loopings. Ce à quoi il lui répond que non, bien sûr. Il en a vu d'autres, Jean-Claude. D'ailleurs, il le rappelle à Monique. On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique. Voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. C'est ça, ouais, bien sûr. Mais Monique, elle le connaît bien, son Jean-Claude. Il fait le brave, mais il n'emmène pas large. D'ailleurs, alors qu'il s'approche du moment fatidique d'embarquer dans Space Mountain, Monique, elle, n'est pas étonnée que Jean-Claude lui demande une faveur. Oh, je veux quelque chose. Tu sais, c'est presque rien. Laisse-moi, je t'en prie. Laisse-moi tenir ta main. Monique dit à Jean-Claude que bien sûr, il pourra lui tenir la main. Jean-Claude est alors rassuré et se met à imaginer ce qu'ils vont vivre dans quelques minutes dans ce Space Mountain. Allez maintenant tous ensemble. En haut, en bas, à gauche, à droite. En haut, en bas, à gauche, à droite. Mais Monique et Jean-Claude sont très vite déçus. Alors qu'ils pensaient approcher du but, ils se rendent compte qu'il y a encore beaucoup de monde devant eux et qu'il va falloir attendre, ce qui énerve Jean-Claude. J'en ai marre, lac de faire la queue. J'en ai marre, lac de faire la queue. Eh oui, attendre des heures, c'est ça aussi le monde merveilleux de Disney. Jean-Claude et Monique décident alors de prendre un raccourci et d'entrer dans l'attraction par réfraction, c'est-à-dire en passant par-dessus les barrières. Mais ils sont tout de suite arrêtés par des vigiles qui leur disent que c'est interdit et extrêmement dangereux. Jean-Claude leur explique qu'il a dû subir 2 heures d'embouteillage pour venir jusqu'au parc, alors... Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volés. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Mais les vigiles ne veulent rien savoir. Ils leur demandent gentiment mais fermement de s'éloigner de Space Mountain. Il est déjà 14h et Monique et Jean-Claude n'ont toujours pas fait la moindre attraction. Il décide cependant d'aller déjeuner dans un de ces si charmants restaurants à thème. Monique et Jean-Claude ont beaucoup apprécié le petit vin californien servi par ces demoiselles déguisées en cow-boy. Et comme leur estomac n'est pas prêt pour vivre des attractions violentes, ils décident donc d'aller voir le délicieux spectacle de Blanche-Neige. Un jour près viendra. Un jour s'aimera. Grotesque. Jean-Claude, il trouve grotesque ce spectacle de Blanche-Neige et il le fait savoir. Blanche-Neige ! Blanche-Neige ! T'as pas une sèche ? Blanche-Neige ! Arrête de pisser dans la rivière de Sérénité ! Maintenant, il y a une tache jaune qui se balade sur le colorant azur. Disneyland, j'en ai jusque-là. Blanche-Neige interrompt immédiatement son spectacle et demande à Jean-Claude de sortir parce que, visiblement, il est ivre. Qu'on traite son Jean-Claude d'ivrogne, ça fait aussitôt réagir Monique. Toi, Blanche-Neige, blanche mignonne, sensuelle comme une momie. Toi, Blanche-Neige, tendre bobonne, va donc moucher ton mari. Blanche-Neige est outrée qu'on lui parle ainsi. Les vigiles de Mickey arrivent aussitôt pour voir ce qu'il se passe. Une fois encore, Monique et Jean-Claude sont virés d'une attraction. Pourtant, avant de partir, Jean-Claude, conscient d'avoir été trop loin, demande l'autorisation de s'excuser. Les vigiles acceptent. Jean-Claude s'approche alors délicatement de Blanche-Neige et lui déclare « Je voudrais être un nain pour avoir une grosse bite. Je voudrais être un nain pour avoir une belle trique. Oh, je voudrais être un nain pour avoir une belle bite. Mais je ne suis qu'un géant. Et la mienne est petite. » C'en est trop, Monique et Jean-Claude sont expulsés manu militari du parc Euro Disney. Ils n'auront donc fait aucune attraction. Mais pour Monique, ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, elle dit à Jean-Claude que... Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferais le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Eh oui, rien ne vaut un Jean-Claude pour étourdir une Monique. Voilà, fin de l'histoire, nos deux héros sont rentrés chez eux où ils ont retrouvé Rémi et Elsa privés d'Euro Disney. Mais comme ce ne sont pas de mauvais parents, ils leur ont ramené à chacun une bestiole en peluche et qui parle en plus. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. Poupée de cire, poupée de son, chante France Gall en 1965, parce qu'aujourd'hui, chez Disney, tout est fait pour refourguer aux mioches des poupées de tout type et toute la panoplie des objets dérivés. Et oui, la magie Disney, ça se paye cash. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre incursion dominicale dans le jardin extraordinaire de Walt Disney. D'Aladin en eunuque, à Sarkozy en Jafar, du pillage de la littérature européenne à la magie des grands dessins animés et de Jean-Claude qui rêve d'être un nain à Monique qui, du coup, voudrait être Blanche-Neige, nous t'avons dressé un panorama subjectif, bien sûr, de ce que peut être l'univers merveilleux de Walt Disney. Alors, c'est quoi le monde de Mickey aujourd'hui? Eh bien, c'est une des plus puissantes multinationales en activité et qui brasse plusieurs milliards de dollars. D'ailleurs, Disney, c'est aujourd'hui un énorme lobby. Ainsi, le personnage de Mickey, créé dans les années 20, devait tomber très logiquement dans le domaine public au début des années 2000. Eh bien, la Walt Disney Company a tout fait, mais surtout a réussi à faire voter une loi par le Congrès américain, rien que ça, pour prolonger les droits d'auteur. Mais bon, rassure-toi, parce que tout ça, finalement, c'est que pour ton bonheur. C'était Mickey, Donald et Douchka, trois stars internationales. Voilà, fin du 55e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était C'est qui Walt Disney, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h sur France Inter pour une nouvelle aventure Total Foutraque et archi loufoque. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel, merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Michel Bertin et d'Alain Gadan, merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, merci aussi à Clarisse Le Gardien, notre stagiaire. Pour les Scud et toutes ses trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes balado diffuser, enfin podcaster l'émission parce qu'on m'a parlé du podcast, il fallait pas que je dise podcast, donc voilà. La journée continue sur France Inter, après le flash vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve donc en direct dimanche prochain, mais surtout, surtout d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. C'était une émission en direct, elle était un peu chaude, et je crois que c'était pas inintéressant. Au revoir et merci.